Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, on se parlera pas de Carey Price puisqu'on n'est pas d'accord. Ben non, on ne parlera pas de Price parce que toi, il déçoit tout le monde. Il déçoit tout le monde. Il est pas à la hauteur de la situation des 11 millions qu'on lui donne. C'est parce que j'écoute Jean-Charles Lavoie au 91.9 actuellement, puis là, il dit qu'il pourrait être une dépression. Est-ce que tu crois à ça? Non, moi je crois pas à ça. Écoute... La seule chose que je me pose comme question, c'est sûr que la défensive du Canadien, depuis le début de l'année, nous surprenait un peu la façon qu'il jouait. Mm. Là, je pense que tout le monde commence à connaître un peu le style du Canadien puis de connaître un peu les faiblesses qu'ils ont. Les clubs les ont peut-être pris à la légère au départ. Mais là, écoute, arrêtons de trouver des raisons. L'année passée, il a connu une mauvaise saison. Price, il faut le dire, les blessures l'ont pas aidé et tout. Mais là, écoute, il est arrivé en début d'année en disant qu'il était prêt pour une nouvelle saison, une nouvelle mentalité et tout. Il n'a pas changé d'instructeur de gardien de but, tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'il faut arrêter de trouver des raisons, là, il trouve pas ses repères, puis il fait pas les arrêter quand c'est le bon moment, puis je pense que ça, le Canadien a besoin de meilleures performances de la part de Carey Price pour gagner des matchs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Phil, dis-moi, écoute, il est à 890 des 5 derniers matchs, il est nettement insuffisant pour s'entendre. Mais Danny, quand tu as fait du sport pendant toute ta vie, et quand tu commences à douter, moi, je joue au golf, puis mettons qu'au trou numéro 1, je manque un pas d'un pied et demi. T'arrives au trou numéro 2, t'as encore un pas d'un pied et demi. Tu te rappelles du trou numéro 1 où t'as manqué un pas d'un pied et demi. Ouais. Et là, tu peux risquer d'en manquer un deuxième. Puis après ça, sais-tu quoi? Tu doutes partout. Et moi, je pense que Price, actuellement, doute de la façon qu'il doit garder les buts. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien de ça. Et quand tu te mets à douter, c'est l'une des pires choses qui peut arriver à un athlète. Là. À ce moment-là, tu sais, t'es pas dans un état pour garder les buts. Moi, je trouve que, tout le monde dit qu'ils sont unanimes à dire que c'est probablement parmi l'élite de la Ligue nationale. Mais là, les rendements, les statistiques ne sont pas au rendez-vous. Ouais. Malheureusement, ben aujourd'hui, là, tu bases des athlètes, tu regardes les performances avec des statistiques. Mm-hmm. Dans son cas, à lui, il l'a pas. Mais je vais vous donner un exemple. Je regardais en série mondiale l'ancien lanceur des Expos de Montréal, puis pas des Expos, mais des Blue Jays, qui gagnait pas. Il était 0-8 à un certain moment. Et là, tout à coup, il est arrivé en série. Cette année, on dirait qu'un match lui a donné confiance. Après ça, c'est quoi? Il était presque invincible au monticule. C'est là que la confiance d'un athlète, c'est fragile. Mm. Et ça doit être la chose la plus importante. Toi, tu parlais de David Price. Price, il l'a pas, c'est ainsi, cette confiance-là. Il doute de tout. D'ailleurs, tu le vois dans ses déplacements, la façon qu'il est dans son filet. Il regarde partout. Tu sais jamais s'il est à la bonne place. Il sait pas si... avant, là, Price, il doutait pas. Tu avais la confiance. Ils arrêtaient. Mais c'est pas le cas. C'est un site, là. Il n'en arrête pas, là. Il aurait la misère d'arrêter un ballon de plage. Ouais. Le Canadien a besoin de bonnes performances de Carey Price pour performer. Mais est-ce que tu penses, Phil, qu'il va être le souffre-douleur? Parce que c'est pas à place, là, vraiment. Là, parce que là les gens risquent d'être souffre. Il s'est fait tuer à la fin du match hier, là. Oui. Il s'est fait tuer à la fin du match, là. Puis, deuxièmement, à Montréal, on sait que c'est pas la place non plus la plus facile pour les athlètes quand tu performes pas. Mm. On sait que tout le monde est après toi. Cette semaine, je voyais les comparaisons. Alak Price, voici ce qu'il a gagné, puis voici les salaires, puis voici ses performances. Tu sais, hey, c'est pas un cave, là. Il voit là, ces choses-là, là. Puis il se met à douter, là. Puis deux, il y a une chose qu'il faut pas oublier, là. Au salaire qu'il a signé, puis la longueur de contrat, Canadien est pris avec, là. Ben oui. Il peut pas l'échanger demain matin. Il peut pas non plus faire des changements. Donc, moi, je pense que c'est très clair que Price, là, et c'est lui qui doit se prendre en main, c'est lui qui doit retrouver sa confiance pour performer, pour aider le Canadien, puis gagner le salaire qu'il a, là, il faut qu'il performe. S'il ne performe pas, ben malheureusement, ben il y a un problème majeur. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que... moi, je crois pas à ça, là, que je trouve que c'est seulement une anecdote ou encore une coïncidence. Mais on dit que certains disent que l'histoire de Plekanec qui a pu s'arrêter aujourd'hui, c'est pour éviter toute la distraction autour de Carey Price. Je crois pas à ça, moi. Ah, moi non plus. Oui, on doit faut pas t'oublier que j'en garde un peu, là. Les gens qui couvrent le Canadien, les journalistes qui sont sur la route partout, ces gens-là, là, ils vivent avec les Canadiens. Et je veux dire, à ce moment-là, je pense que c'est très clair que ces gens-là peuvent pas toujours non plus écrire puis dire tout ce qu'ils ont parce qu'ils sont font face à ces athlètes-là jour à l'heure. Ils deviennent quand même un lien de proximité avec ces athlètes-là. C'est bien beau de dire, hey, pourquoi qu'ils ne critiquent pas ou pas. Ils vivent tous les jours avec ces gens-là, là. Danny, si demain matin, t'as un gars avec qui tu parles tous les jours, t'arrêtes pas de le critiquer et de le planter. Ben non. Pas sûr qu'il va continuer à te donner des entrevues puis il va continuer. Chaud, voyons donc, c'est humain, là. Arrêtons de chercher des poux, là. L'humanité, l'humain, c'est l'humain, là. Ouais. Hey, Phil, je veux parler des Alouettes un peu. Est-ce que Travis Reed n'est pas congédié? Moi, je pense que c'est une théorie j'ai que, en raison des problèmes financiers. Moi, j'ai jamais vu, parce qu'ils roulent pas sur l'or, les Alouettes, là. Non. Ben, écoute, il y a un contrat à long terme, ils peuvent pouvoir pas le congédier puis payer le contrat non plus, là. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre. Lui aussi, là, il a pas donné le rendement, puis lui aussi, il a pas performé, puis lui aussi, il a pas donné ce qu'il fallait, là. Faut être clair, là, Danny, là. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que, à quelque part, payer pour faire un job, il faut qu'il donne le rendement. Oui, c'est sûr. Phil, on se parle la semaine prochaine. C'est le commentaire de Phil Desgagnés.